Kanyangi. Bonsoir, merci madame, monsieur de nous rester fidèles. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grandes articulations. Les habitants de la commune Gihanga en province Wubanza, c'est l'ouest du Burundi, s'inquiètent des cas d'enlèvement et disparition. L'administration communale appelle à la vigilance. 52 ans après l'assassinat du dernier roi burundais Ntare V, Charles Ndizeye, la famille royale appelle les Burundais au respect du serment. Dans cette édition, on vous parlera des conditions de vie des habitants du quartier Tchétchénis et en zone urbaine de Moussaga au sud de la ville de Bujumbura. Et c'est à la veille de la célébration de la Journée internationale du travail des travailleurs. Les détails, c'est dans cette édition mise en onde par François Akiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonsoir, page Média et Justice. Pour débuter cette édition, Sandra Mohoza, journaliste de la Nova Burundi, est détenue à la prison centrale de Mhimba depuis jeudi 18 avril de cette année. Les informations fournies par ses avocats indiquent qu'elle est poursuivie pour deux infractions. Il s'agit de l'atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. Elle a été arrêtée en date du 13 avril de cette année. Des sources proches de sa famille et son employeur précisent que Mohoza venait de répondre en appel d'une personnalité qui promettait de lui fournir des informations. Et cinq organisations des professionnels des médias réunies au sein de la Maison de la Presse du Burundi disent avoir appris avec regret la privation de liberté de Sandra Mohoza. Dans un communiqué de presse du 18 avril, ces organisations souhaitent qu'elle soit relâchée et demandent que les enquêtes soient effectuées dans le strict respect de la loi. De son côté, Reporters sans frontières dénonce dans un communiqué de presse du 25 avril une détention arbitraire et exige des autorités sa libération immédiate. Je vous l'annonçais en titre, les habitants de la commune Gihanga en province de Bubanza s'inquiètent des disparitions forcées enregistrées ces derniers jours. Ils disent que 4 personnes sont déjà enlevées depuis le mois de septembre de l'année passée jusqu'aujourd'hui et demandent aux autorités d'arrêter ce phénomène et de suffisamment protéger la population. Au niveau de l'administration en commune Gihanga, l'on reconnaît les faits. On appelle la population à plus de vigilance pour une bonne collaboration dans la quadrilogie. Le point Vex Pesca. Caritas Cabañana. Cette femme dit qu'elle a peur des disparitions observées ces derniers jours dans cette commune où 4 personnes sont déjà portées disparues depuis le mois de septembre l'année passée jusqu'aujourd'hui. Sur les collines de Buringa, 2 personnes, Kagwema, 1 personne et Gihanga Centre, une autre enlevée la semaine dernière selon la même source. Cela étant, l'administrateur de la commune Gihanga appelle la population à renforcer la quadrilogie et à dénoncer toutes les personnes suspectées. La sécurité n'est pas l'apanage de ces corps de défense et de sécurité au sein de l'administration. Mais tout le monde doit contribuer pour la sauvegarde de la sécurité. Mm-hmm. Mais voilà que de tels cas se manifestent. Et comme ça s'est manifesté en 2015, où il y a eu des gens qui ont été, enlevés. Et des malfaiteurs ont exigé des rançons et sont revenus. Mais il y en a qui sont morts. Vraiment, c'est vraiment déplorable. Nous interpellons la population vraiment de renoncer à cette mauvaise habitude afin qu'ils puissent vraiment contribuer efficacement à la sauvegarde de la sécurité et afin que la quadrilogie effectivement soit vraiment opérationnelle. Donc je dirais que ces disparitions qui sont manifestes sont occasionnées par, je dirais, cette mauvaise collaboration. L'administrateur Léopold Ndayisaba jette la responsabilité à la population qui est accusée de ne pas suffisamment collaborer dans la quadrilogie de la sécurité. Le tort est jeté d'abord, premièrement, à la population qui ne dénonce pas à temps, je dirais, tout élément, je dirais, dangereux qu'ils observent. Et parce que s'il y a un véhicule qui prête confusion, il faut le dire à temps. Pour que les forces de l'ordre, la police, puissent vraiment enquêter sur peut-être ces véhicules. Ouais. S'il y a une personne qui est dangereuse, qui est soupçonnée, il faut vraiment pointer du doigt cette personne afin qu'elle soit vraiment des enquêtes puissent être menées à l'endroit de cette dernière. Donc, il faut vraiment que la population soit éveillée. pour dénoncer toute chose qui est susceptible de nuire à la sécurité de la population. Et la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. C'est ça, j'insiste sur ça. Léopold Ndayisaba appelle également les transporteurs, surtout les motards, à respecter les heures de travail convenues. Spécialitas Kabanyana, Rubanza, Radio Isanganiro. De Rwanda, randonnant en province Karusi, c'est au centre du pays pour parler justice. Deux hommes et un policier sont au cachot du commissariat de police à Karusi depuis mardi de la semaine passée. Sont accusés de vol qualifié, comme l'indiquent les sources policières, qui parlent de propriétés foncières vendues après avoir intimidé leurs propriétaires. Ces mêmes sources parlent de la poursuite des enquêtes afin que toutes les personnes impliquées dans ce dossier répondent de leurs actes. Le point avec Blaise Pascal Karalumi. Deux de ces hommes ont été arrêtés mardi passé. Le policier a été arrêté mercredi et tous mis au cachot du commissariat de police Karusi. Les sources de la police indiquent que ces hommes sont accusés de vol qualifié. Ces hommes auraient accusé cinq personnes, en majorité des commerçants du centre de négoce de Buhiga, où résident ces derniers, d'avoir acheté à Moya, la colline frontalière de Buhiga, des propriétés foncières à des personnes accusées par ces derniers qu'elles n'en avaient pas les prérogatives de vente. Ces hommes arrêtés avaient cherché un individu qu'ils présentaient comme le propriétaire de ces propriétés, arguant que l'homme en question est né et évolué en Ouganda et qu'il est un père de la famille de ceux-là qui ont vendu ces propriétés et que c'est celui-là le vrai propriétaire, malgré que les membres de cette famille qui a vendu ces propriétés ne reconnaissaient pas que l'homme en question était de cette famille. C'est ainsi que certains de ceux-là qui avaient acheté ces propriétés ont été contraints d'acheter leur propriété pour la deuxième fois et parlent même de la complicité des administratifs à la base. Réclamant environ 40 millions de francs burundis qu'ils ont donnés, ces victimes et d'autres parlent d'un groupe de gens qui s'est constitué au centre de négoce de Buhiga pour vol. Les sources policières indiquent que la police continue des enquêtes sur ce dossier et signale qu'il y a même des personnes qui sont en cavale et que tous ceux qui seront accusés dans ce dossier vont être traduits devant la justice. Et puis Karusi, Blaise Pascal Kararumie pour Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 18h08 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. C'est ce 29 avril que les Burundais commémorent le 52e anniversaire de l'assassinat du dernier roi du Burundi, Ntare V, Charles Ndizeye, et le début des massacres de 1972. La famille royale demande que la vérité soit connue sur cet assassinat. Le prince Rugema Rwigemera, représentant la famille royale, demande aux Burundais de ne jamais trahir leur serment. Il dit se référer sur le serment du président Michel Ombero, selon lequel il jurait allégeance au roi à Ntare V, mais trois mois plus tard, le dernier roi du Burundi a été exilé. Regrette ce représentant de la famille royale qui demande en outre que les symboles du royaume soient respectés, notamment le palais de Gitega, celui de Muramvya. Et le représentant du Centre indépendant de recherche d'initiative pour le dialogue Syride trouve qu'un dialogue réparateur et la volonté politique de chercher la vérité doivent être privilégiés pour éviter de retourner dans les crises qui ont endeuillé le Burundi dans les années 1972 et la suite des hauts. Hakizimana souhaite que les Burundais donnent des stratégies qui aboutiront à de bons résultats. On l'écoute. Le travail de réconciliation n'a pas encore abouti. Il y a encore un long chemin à parcourir. Pour tout dire, le processus de vérité-réconciliation a encore du pain sur la planche. Il est possible d'animer des initiatives que j'appelle novatrices pour que le Burundi s'en sorte. Une des initiatives novatrices qu'il faut chercher à avoir, c'est de d'abord amener les citoyens, nos citoyens, à tenir compte des mensonges graves qui nous ont été servis par des historiens qui n'avaient envie que de nous diviser. Par exemple, ceux qui nous ont appelés des Hutus et des Tutsis et des Twas pour nous diviser. Nous devons tirer les conclusions de ce qui nous est arrivé et puis voir plus loin. Mais il y a une exigence qui sera probablement très difficile à atteindre. C'est que quand vous parlez de dialogue inclusif, un dialogue transparent, un dialogue empathique, etc. Moi, il y a ce que j'appelle aussi un dialogue réparateur. C'est nouveau. Un dialogue réparateur. C'est-à-dire un dialogue qui tient compte des craintes de l'autre que vous accusez avec des justifications inattaquables. Donc, il nous faut travailler avec un souci comme celui-là. Savoir les résultats que nous cherchons peuvent venir, mais ils peuvent venir à titre posthume, longtemps après notre passage sur Terre. Tout qui peut arriver de notre vivant. Si c'est le cas, c'est tant mieux. Mais au départ, nous devons commencer à donner plus d'importance à l'objectif stratégique visé qu'au résultat qui nous profitera. Poursuivons avec cette édition. Les habitants du quartier Tchétchéni de la zone urbaine de Moussaga, c'est au sud de la capitale économique Bujumbura, disent mener une vie pénible. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro ce lundi évoquent l'incapacité de subvenir aux besoins de leur famille à cause de la flambée à des prix des denrées de première nécessité. Ils souhaitent l'intervention des autorités pour la diminution de ces prix. Le point avec Lydie Gahimbari. Si tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps. C'était aux environs de 10h45 minutes. Cette mère de 4 enfants prépare le repas. Elle raconte que faire nourrir ses 4 enfants actuellement, c'est une chose difficile. Elle indique qu'avec les 10 000 francs brandés dans les années passées, elle parvenait à nourrir ses enfants pendant 2 ou 3 jours. Mais aujourd'hui, la même somme est insuffisante. Avec les 10 000 francs brandés, elle achète 1 kg de riz et 1 kg de haricots sans avoir d'autres éléments nécessaires, ajoute-t-elle. Aujourd'hui, nous achetons 1 kg de haricots à 3 500 francs burundais, voire même plus. Et 1 kg de riz, une farine ou les braises pour la cuisson, on consomme plus de 10 000 francs. On s'arrange à ce qu'on achète de petites quantités pour ne pas dépasser cette somme, car c'est le montant maximum qu'on arrive à avoir. Une autre personne est rencontrée au même endroit dit communément Tchétchénie, c'est le tailleur. Celui-ci dit qu'il ne parvient pas à nourrir ses 6 enfants à cause de la cherté de la vie. Il indique qu'il ne gagne rien à voir l'argent qu'il dépense pour les besoins de sa famille. Je suis tailleur. Avec mon travail, je ne gagne rien. Les prix des denrées alimentaires ont grimpé. Nous menons une vie pénible. Je dois au moins avoir 500 francs pour acheter un oignon, 1000 francs pour des tomates. Or, même les habits sont chers. La vie est vraiment chère. Ces habitants rencontrés au quartier Kinanila 1, communément appelé Tchétchénie, demandent aux autorités habilitées d'intervenir afin de diminuer les prix des denrées alimentaires pour qu'ils puissent nourrir leur famille. Lydie Gahimbare, le ministère de la Communication et des Technologies de l'Information a débuté ce lundi une enquête nationale sur l'accès et l'utilisation des TIC auprès des ménages, de l'administration publique et autres institutions et se déroulera jusqu'au 17 mai de cette année. L'annonce est de l'assistant du ministre de la Communication ce lundi dans un point de presse. Thierry Kitamoya indique que cette enquête va mesurer les progrès dans les différents domaines du numérique. On l'écoute. Vous savez très bien que le gouvernement du Burundi a inscrit parmi ses priorités le développement des TIC. C'est dans ce cadre que la Banque mondiale a accordé un don au gouvernement du Burundi dans le cadre du projet d'appui aux fondations de l'économie numérique PAFEN. C'est dans ce contexte que le gouvernement du Burundi vise à élaborer une étude afin de mieux cerner les besoins ainsi que des données afin de mesurer les progrès dans les différents domaines du numérique. Les résultats issus de l'enquête permettront également d'éclairer la conception et le ciblage des programmes d'accès numérique, élaborer une nouvelle politique en matière de large bande qui énonce les principes de base pour approfondir la réforme sectorielle favorable à la concurrence et soutenir la connectivité rurale. Et l'élaboration d'une nouvelle politique d'inclusion numérique permettront également d'évaluer l'état de la pénétration des technologies, de l'information et de la communication dans la société burundaise. De telles informations serviront aussi de base pour mieux appréhender les besoins et les orientations réellement souhaitées par les utilisateurs pour la promotion de l'e-administration, de l'e-gouvernance, de l'e-commerce et d'orienter en conséquence les politiques de développement du secteur TIC vis-à-vis de ses usagers. Alors, l'enquête sera menée par un bureau retenu et spécialisé dans la conduite de telles activités de collecte des données. Les enquêteurs, dès ce lundi, ils sont déjà sur terrain. L'enquête sera menée auprès des ménages, des administrations publiques et d'autres institutions et c'est pourquoi ces enquêteurs vont se rendre dans les ménages, dans les bureaux et à travers tout le pays. Cependant, ce ne sont pas tous les ménages qui seront concernés par l'enquête car l'enquête va cibler des échantillons dans des communes ou provinces. Les données recueillies à travers ces échantillons permettra d'avoir une vue globale de l'accès au TIC et l'utilisation des TIC dans le pays. Le ministère demande à l'administration territoriale, aux administrations publiques, aux forces de l'ordre de faciliter le travail des enquêteurs. Le ministère demande également à toute personne qui sera approchée de donner des informations sans fonds fouillants. Comme ça, on aura contribué à l'amélioration du secteur des TIC. Thierry Kitamoy, assistant du ministre de la Communication et des Technologies de l'Information en ville d'Uvira, les organisations de la société civile se lamentent au sujet des cas de mendicité caractérisant plusieurs demandeurs d'asile burundais vivant au camp de transit de Kavimvira. Le chef d'antenne de la Commission nationale congolaise pour les réfugiés reconnaît que le programme alimentaire mondial avait des problèmes logistiques, mais que les services sont à l'œuvre. Le point avec Jérémy Kouhima. Le président du conseil urbain de la jeunesse au quartier Kavimvira, messieurs Mulangaliro Kanena Justin, se plaint des voir des femmes et des enfants quémandés à longueur de journée alors qu'ils sont entre les mains des Nations Unies. On l'écoute. Dans la commune de Kavimvira, particulièrement le quartier Kavimvira, nous enregistrons plus de cas de la mendicité causée par les réfugiés burundais se trouvant dans le cas de transit de cette entité. Les femmes et les enfants embêtent les gens en leur demandant. Nous avons déjà alerté plusieurs fois cette situation dans nos conseils de sécurité, mais qui ne produisent aucun effet positif. Nous dénonçons une énième fois ce système qui n'arrange pas presque à 95% de passagers de tous les côtés lorsqu'ils arrivent à Kavimvira. Les réfugiés, pour leur part, ont reconnu cet état des choses. Ils disent n'avoir pas reçu la ration alimentaire depuis déjà des semaines. Le chef d'antenne de la CNR, Dominique Kéléko, relativise. Il parle d'un retard dans les ravitaillements par le programme alimentaire mondial PAM, mais promet que cela va se résoudre d'ici là. Alors c'est le PAM, le programme alimentaire mondial qui nous appuie dans ce sens. Mais malheureusement, il s'est fait quelques semaines, il y a eu rupture de stock de nourriture. Et voilà, comme c'est son domaine et que ça a posé un petit problème, mais ce qui justifie aussi cette montée flambée de mendicité, de pauvreté, de vulnérabilité. Et nous sommes en train de travailler, nous espérons que d'ici quelques jours, il y aura une solution par rapport à cela. Retenez enfin qu'au moins 2500 personnes sont dans les camps de transit situés l'un à Sangé, en plein de la Ruzizi, et l'autre à Kavimvira. Ils attendent d'être installés définitivement dans les territoires de Fizi. Depuis Uvira, Jérémy Kouhima pour Radio-Télévision Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Le sport joue un grand rôle dans la promotion du développement social et peut rendre une politique cohérente au niveau des gouvernements. Ceci ressort des recherches du professeur d'université menées en 2020 lors des travaux de fin d'études doctorales. Selon ces recherches, Dr Célestin Vutsebang indique que le sport a pu réconcilier également les mouvements de rebelles qui étaient dans les camps de cantonnement et l'armée régulière. Jean-Marie Vianney, Ndakoumane. Lors de ses travaux de fait des études doctorales, Dr. Célestin Vutsebanga indique qu'il a constaté que le sport a pu réconcilier en 2003 les mouvements du rebelle qui étaient dans le cadre cantonnement et l'armée gouvernementale. Je l'ai souligné le rôle du sport dans mes travaux de fin de mes études doctorales. La recherche que j'ai faite au moment où il y avait le cantonnement des ex-combattants du sein de FDD et de l'armée gouvernementale en 2003 dans les cas de cantonnement, pour faire un rapprochement, pour faire les premiers contacts entre les deux belligérants, on a utilisé le football. C'est en organisant des rencontres sportives entre l'armée gouvernementale et les ex-combattants cantonnés dans les camps de cantonnement à travers tout le pays, on a utilisé le football. Et c'est à travers ces rencontres qu'il y a eu les premiers rapprochements entre les rebelles et l'armée gouvernementale. Après cela, le football a été utilisé comme outil de cohésion et de rapprochement entre résidents au niveau colonial et les réfugiés qui étaient rassemblés dans les différents sites de déplacés. En plus, après cela, le football a été utilisé aussi à faire des rapprochements ou à intégrer de plus en plus les résidents au niveau colonial et les déplacés au niveau des centres. On a organisé des rencontres sportives et là dans le sens de faire les premiers contacts et les premières rencontres de ces deux parties. On a utilisé le sport comme outil de cohésion, comme outil de réconciliation, comme outil de rapprochement entre les deux peuples d'idéologie plus ou moins différents ou qui étaient en situation de différent. Ce professeur de l'université fait savoir que le sport joue également un grand rôle dans la promotion du développement social et peut rendre cohérente la politique au niveau des gouvernements. Le sport a un rôle à jouer dans la société et c'est toutes les grandes manifestations. Le sport peut promouvoir le développement social, le sport peut promouvoir aussi la croissance économique, la santé, l'éducation, la protection environnementale, mais aussi rendre une politique cohérente au niveau des gouvernements. Il ajoute que cela prend une durée plus ou moins longue du fait qu'il doit passer par un programme bien concis. Mais cela prend de plus en plus une durée plus ou moins longue du fait qu'il faut que cela passe par un programme bien conçu, bien mûri et par une éducation qui passe par même au niveau des écoles ou au niveau des structures sportives. Et tout cela, le sport peut aider la société à atteindre effectivement les objectifs du développement durable. Et nous avons vu que le sport s'inscrit dans plusieurs objectifs du développement durable et que le sport peut être utilisé pour atteindre ces objectifs. Cela montre que le sport, d'une façon ou d'une autre, intervient dans la promotion de la paix et le développement des sociétés. Dans la prochaine chronique sportive, Dr. Célestin Vutsebanga expliquera les stratégies que la Commission Vérité et la Réconciliation peut utiliser pour réconcilier les gens à travers le sport. Et c'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de nous avoir prêté oreille attentive. Merci également François Kimana qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes.